mise au point. Ça fait faire nous dit bien, pas t'y penser pour faire songer. Tiens moi c'est barricade, pour moi c'est en chance. Mais où toujours en méfiance, dis ou seulement moi qu'à flasher. Mais où toujours qu'à douter. Yeah.